Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 34e épisode. La résistible ascension de Baruch Jorgel. Le rideau s'est donc baissé sur la fin du premier acte de la longue chasse de Lord Buridan. Aidé de Prosper Bondona, il a enfin réussi à démasquer la supercherie de la substitution opérée par Cornelius Cram sur la personne de Joe Dorgan, qu'il avait transformé en Baruch Jorgel. Ils ont rendu à Joe Dorgan sa personnalité et sa mémoire oubliée, et ils ont également rendu la parole à William Dorgan, que tout le monde croit mort depuis la catastrophe ferroviaire du pont de l'Estacade et qui va enfin pouvoir ressusciter. Et il est temps maintenant que le rideau se lève sur le début du deuxième acte de cette chasse. Nous sommes à New York, où Lord Buridan, Prosper Bondona et leurs amis se trouvent depuis plusieurs jours. Il n'y a plus personne à Winnipeg. Le dernier invité, le redoutable Slug, fait prisonnier par Lord Buridan dans les marais de Floride, a lui aussi quitté le château sous bonne garde, il faut le dire. Mais que se passe-t-il à New York? Pourquoi le docteur Cornelius Cram a-t-il l'air si inquiet? Ah, enfin. Alors, Joe Dorgan. Il a disparu, maître. Comment cela, il a disparu? Qu'est-ce que cela signifie? Je t'avais donné l'ordre de me le ramener mort ou vif. Tout ce que tu trouves à me répondre, c'est... Il a disparu. Tu sais pourtant à quel point il est important pour nous de remettre la main sur lui. Mais, sœur... C'est tout ce que tu trouves à dire. Allons. Cornelius, voyons. Laisse-le s'expliquer. S'expliquer. Bon. Allez, vas-y. Explique-toi. Eh bien, comme vous me l'avez demandé, sœur, je suis allé à Winnipeg, où j'ai commencé à m'informer à droite et à gauche. La première chose que j'ai appris, c'est que Lord Buridan... Bondona et tous leurs amis venaient de quitter le Canada pour New York. Cela, nous le savons. Ensuite. Bon, ensuite, j'ai appris que Joe Dorgan avait longtemps été soigné dans un cottage isolé chez un cousin de Lord Buridan, Noël Fless. Les gens du pays l'avaient surnommé le démon de la Maison Bleue et le considéraient comme un idiot inoffensif et incurable. Seulement, voilà, quand je suis arrivé, il n'y était plus et personne n'a pu me dire ce qu'il était devenu. Le seul détail intéressant que j'ai pu apprendre est que Bondona n'avait jamais mis les pieds à la Maison Bleue. Ça, au moins, c'est une nouvelle rassurante. Car si jamais Bondona s'était avisé de l'examiner de près, il aurait été bien capable de se douter de quelque chose. Voyons, Cornelius, qui pourrait se douter d'une substitution pareille? Oh, avec Bondona, on peut s'attendre à tout. Oh, décidément, j'ai eu tort de laisser vivre Joe Dorgan. Tant que nous ne l'aurons pas éliminé, Baruch ne pourra pas jouir tranquillement de sa nouvelle personnalité. Bon, ensuite, Leonello. Bon, ensuite, j'ai appris qu'un mystérieux prisonnier était gardé à vue dans le château de Lord Buridan. C'était Joe Dorgan? Ce n'était pas Joe Dorgan, mais Slug. Slug? Oui, Slug, sœur. Slug, que nous avions cru mort. Imaginez ma surprise. Enfin, il fallait le faire évader. Mais c'est ce que j'ai fait, sœur. Malheureusement, je n'ai pas d'autres renseignements sur Joe Dorgan. Très bien. Très, très bien, Leonello. Très bien. Excuse-moi pour tout à l'heure. Tu as fait ce qu'il fallait, ce n'est pas ta faute. Si tu n'as pas retrouvé Joe Dorgan. Ça va être encore un coup de nos adversaires. Seulement maintenant, il faut à tout prix, savoir où il est. Tu vas faire suivre Lord Buridan et Bondona. On ne sait jamais. Cela nous apprendra peut-être quelque chose. Surtout n'épargne ni le temps ni l'argent. Nous avons été trop négligents en ce qu'il concerne, et il est temps qu'ils disparaissent définitivement. Bon. Tu peux disposer, Leonel. Ah, nous finirons bien par le retrouver. Par contre, la résurrection de Slug est une bonne nouvelle, non? Oui, tu as raison. Après tout, nos affaires n'ont jamais aussi bien marché. Baruch va entrer en possession des millions de William Dorgan d'un jour à l'autre. Et plus tard, pourquoi pas, ceux de Fred Jorgel. De Fred Jorgel? Et comment ça? Ah, une idée que je viens d'avoir. Suis-moi bien. Isidora héritera de son père, n'est-ce pas? Et oui, c'est évident. Bon. L'ingénieur Harry héritera d'Isidora, sa femme. Oui. Et Baruch héritera de l'ingénieur Harry. C'est simple, non? Il ne nous reste qu'à régler la chronologie du décès de chacun de ces personnages. Génial! N'est-ce pas? Ah, je suis sûr que Baruch appréciera beaucoup ce plan. Mais au fait, où est-il? Où veux-tu qu'il soit, voyons? Chez la señora Carmen Hernandez, bien sûr. Qu'est-ce qui te fait rire ainsi? Les amours de Baruch. André d'abord, la fille de Gaston de Maubreuil, et maintenant Carmen, la fille de Pablo Hernandez. Avoue que ce garçon a une curieuse propension à tomber amoureux des filles dont il a assassiné les pères. Ben oui, mais il a quand même la tête sur les épaules. Carmen Hernandez possède la fortune la plus importante de l'Union. Puis en plus, elle est superbe, elle est très belle, oh, ce qui ne gâte rien. Monsieur Dorgan ? Oui, oui, señora Carmen, des singes. C'était des singes qui servaient à table. Oh. C'est dommage d'ailleurs que vous n'ayez pas pu venir à ce dîner chez le Rockefeller. Tout y était d'un goût exquis. Rendez-vous compte, on avait même poussé le luxe jusqu'à adapter la taille des singes au plat qu'ils servaient. Oui, ça devait être charmant, en effet. Seulement, je trouve qu'il faut vraiment avoir envie de faire parler de soi pour inventer de pareilles choses. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il faut bien donner des fêtes originales. Quand vous serez mariés, vous aussi, vous devrez donner des réceptions, non? Oh, j'ai bien le temps d'y penser. Signora... Oui, ma sœur Joy Dorgan. Signora Carmen... Je voudrais vous dire, enfin... Je ne puis vous cacher plus longtemps que j'ai pour vous la plus profonde admiration, le dévouement le plus total et... Je serais le plus heureux des hommes si... Oh, mais c'est une déclaration. En quelque sorte, signora, est-ce que je peux espérer... Je n'accepterai pour époux que celui que ma mère me désignera. Ah. Eh bien, si votre mère agrée ma demande. Je ne sais pas. Oh, vous allez vite. Je ne m'attendais pas à une pareille demande. Entrez. Oh, crac, ça y est. Oh, c'est vous, Raphaël. Qu'y a-t-il? Señora, il y a deux personnes qui demandent à vous voir. Voici leur carte. Merci, Raphaël. Oh, excusez-moi, Monsieur Dorgan. C'est rien. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je vous quitte. Une affaire urgente, mais... Ah, mais si vous partez si vite? Ah, bon, et puis j'espérais au moins que vous me permettrez de parler à madame votre mère. Pourrais-je vous en empêcher? À bientôt, Master Joy Dorgan. Mon Dieu, si Isidora Yorgel et André de Maubreuil n'étaient pas venus me prévenir... que Joy Dorgan était en fait l'infâme Baruch. J'aurais peut-être épousé l'assassin de mon père. Le plus dur à présent est d'arriver à jouer mon rôle le mieux possible afin de faire tomber Baruch dans le piège qui va lui être tendu. Oh mon Dieu, ça doit être lui. Non, pas aujourd'hui. Raphaël! Raphaël ? Oui, señora. Raphaël, si c'est Master Joy Dorgan, dis-lui que... Dis-lui que je ne peux pas le recevoir aujourd'hui. Dis-lui que je suis souffrante et qu'il repasse demain. Bien, señora. Hello, coucou, c'est moi. Mes hommages, sœur. La señora Carmen m'a chargé de vous remercier pour vos fleurs. Oh, délice. Elle m'a aussi chargé de l'excuser auprès de monsieur Mais elle ne pourra pas recevoir monsieur aujourd'hui. Oh, tiens, mais pourtant, elle m'avait promis... La signora a insisté pour que vous l'excusiez, mais elle est souffrante. Pourquoi me faites-vous souffrir ainsi? Vous en aimez un autre. C'est cela, n'est-ce pas? Et vous n'osez pas le dire à votre mère? Non. Je n'aime personne. Seulement... Seulement? Voilà. J'ai fait un vœu. Un vœu? J'ai fait le vœu de n'accorder ma main qu'à l'homme qui réussirait à découvrir les assassins de mon père et à venger sa mort. Alors, mon cher Baruch, ces projets de mariage... C'est fait. J'ai l'accord de la mère. Et la fille? Eh bien, je crois que j'ai son accord aussi. Mais... Comment vous croyez? Que veut dire ce mais? Eh bien, elle y pose une condition. Et vous ne devinerez jamais laquelle. Elle m'a fait promettre de découvrir les assassins de son père. Voilà en effet une situation un peu banale. Ah, vous trouvez ça drôle, vous? Voyons, Baruch, c'est classique. Elle veut épouser le vengeur de son père, c'est très romantique. Vous n'aurez qu'à faire quelques enquêtes pour la forme, promettre des primes. Oui, oui, en effet, c'est ce que j'avais l'intention de faire, mais... Dites-moi, au fait, a-t-on retrouvé la trace de Joey Dorgan? Non. Malheureusement, il est introuvable. J'avoue que je commence à m'inquiéter. Il n'est pas chez Lord Buridan, nos recherches du côté de Bondona n'ont rien donné, et nous n'avons pas trouvé sa trace chez Harry Dorgan. Bah, on finira bien par le retrouver. Demandez le New York Times, prochain mariage dans le monde 1500. Demandez le New York Times, le jeune et célèbre milliardaire Joey Dorgan, fiancé à la signora Carmen Hernandez. Demandez le New York Times, le mariage du siècle. Demandez le New York Times. M'attendez ici, Driver. Très bien, sir. Bonsoir, sir. Le docteur et Monsieur Fritz vous attendent dans le laboratoire. Si vous voulez bien me suivre. Mais dites-moi, pourquoi prenons-nous l'ascenseur, Leonello? Comment se fait-il que le docteur soit encore dans son laboratoire? Nous devions dîner ensemble. Chut, c'est une surprise. Vous allez voir. Mais je ne reconnais plus le laboratoire, ces lumières, ces fleurs, ces plantes vertes et... Oh là là, cette table sont... Entrez, Baruch. Et bienvenue à l'heureux fiancé. Je crois que ce soir, vous n'aurez pas à vous plaindre de mon hospitalité, Baruch. Oh, en effet, elle est digne des lords de la main rouge. Eh bien, à table, messieurs. Champagne, Leonello. Champagne. Mon cher Baruch, je lève mon verre à votre futur mariage et je vous félicite de votre choix. Non seulement vous avez choisi la plus belle héritière de New York, mais vous avez eu la sagesse de choisir la plus riche. À votre bonheur. Je vous remercie vraiment et... Permettez-moi à mon tour de lever mon verre au couronnement de la plus audacieuse entreprise qui ait jamais été tentée. Vous avez reçu ma dépêche, là-bas ? Oui, oui, nous l'avons reçue. Quand je pense, Baruch, au chemin que vous avez parcouru, dans quelques jours, vous allez être le milliardaire le plus puissant des États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez encore du temps où vous en étiez réduit à escamoter les bijoux de votre sœur Isidora ? Ou à électrocuter les passants pour vous procurer les quelques dollars que vous alliez jouer au club du haricot noir. Dire que votre première victime a été Pablo Hernandez, le propre père de votre fiancé. Oui, mais enfin tout ça c'est de l'histoire ancienne, Ah, mes amis, je peux vous assurer que je n'ai pas aujourd'hui l'ombre d'un remords, bien au contraire. En fait, je suis fier de l'énergie qui m'a permis d'accomplir des actes qui épouvanteraient le commun des mortels. Ah, vous ne souffrez donc plus de ces cauchemars du samedi qui vous ont tant effrayé à une certaine époque? Non, non, non, plus du tout, c'est fini, plus du tout. Ma santé est en ce moment aussi bonne que possible. Bon, et bien, à votre santé, alors. Merci. Alors, Baruch, où en sont exactement nos affaires? Eh bien, comme vous l'avez appris par ma dépêche de ce matin, j'ai gagné mon procès contre Harry Lorgan. Et oui, il n'a touché en tout et pour tout que 20 malheureux millions de dollars de l'héritage paternel, tandis que la part de chacun d'entre nous dépasse 800 millions de dollars. Le tros des cotons et du maïs nous appartient maintenant totalement. Bravo, bravo, Baru. Bravo. Leonello, champagne. Leporello, Leonello. Puis-je commencer à servir, sir? Oui. Hein? Ah, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Tourne. Oui, oui, s'il te plaît, mais... Mais non, voyons, Leonello sert d'abord Baruch. Vous disiez donc que le trust nous appartenait entièrement. Oui, non, j'ai dit totalement. Et je pense que vous serez d'accord d'ailleurs pour que notre prochain objectif soit la réalisation du trust. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Eh bien, que nous devons pouvoir tenir entre nos mains tous les moyens de production des États-Unis. Loup ! Champagne. Merci. Le monde, messieurs, nous appartiendra. Oui. Et l'homme mettra enfin le pied sur la Lune. Et colonisera les planètes. Il pénétrera jusqu'au cœur de la Terre. Toutes les maladies seront éliminées. Et vous savez quoi ? Nous rendrons les hommes immortels. Non. Pas tous les hommes, hein ? Nous seulement. Nous seulement. Tout ça est très beau, mais... En attendant, il vaudrait peut-être mieux consolider notre situation. Hein ? Mais voyons, Fritz. Elle est solide, notre situation, non ? C'est possible. On ne sait pas toujours ce qu'est devenu le vrai Joe Lorgan. Mais le vrai Joe Lorgan, qu'importe le vrai Joe Lorgan. Nous n'avons plus rien à craindre, maintenant. Et sauf peut-être de la main rouge. De la main rouge ? Baruch a raison, Fritz, il a raison. Tu comprends, Fritz ? La main en haut. Il faut la dissoudre. Je t'assure qu'il faut dissoudre cette sacrée organisation qui fait peur à tout le monde. Ce sont des bandits, Fritz, tu comprends. Et nous sommes des milliardaires, la main rouge. C'est pas des gens de notre monde. T'as raison, Cornelius. On dissout la main rouge. Allez, Leonello. Champagne, les porello, du champagne. Et je lève mon verre à l'enterrement de la main rouge. Fin de la canaille. La fin de la canaille. Je ne veux vraiment pas que Leonello te raccompagne, Baruch. Mais écoute, je te dis que j'ai mon auto, mon chauffeur, que j'ai pu rentrer tout seul. Je lui ai dit de m'attendre. Et tiens, regarde en bas. Là, elle est là, mon auto. Et mon chauffeur aussi, mais il est là. Mais il n'est pas bien du tout permis de faire travailler un chauffeur le samedi. Allez, à la maison, chauffeur. À la maison. C'est drôle quand il a bu, je dois dire. Je suis assez heureux. C'est une réussite. Ça valait bien le sacrifice de quelques vies inutiles. Allez, bats les têtes. Mais, hey, driver, où sommes-nous, driver? Il est complètement ivre, ce chauffeur. C'est pas le chemin. Chemin. Chauffeur. Qu'est-ce que c'est? Des blagues de tôle qui bouchent les vitres. Hé, driver. Driver. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Répondez-moi, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous, hein? Qui êtes-vous d'abord? C'est ma voiture et mon chauffeur. Dans un piège? Oui, j'ai pris dans un piège. Tu veux Dorgan? Allez, reprends-toi un peu. Réfléchis. Calmement. Bon. J'ai trop bu. Oui, j'aurais pas dû boire, je sais. Tiens. On dirait que la voiture ralentit. Oui, en effet. Elle s'arrête même. Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Erreur, vous faites erreur? Vous trompez? Je suis le milliardaire! Joe Dorgan! Vous entendez? Le milliardaire! Joe Dorgan! Vous allez le payer cher, vous entendez, qui que vous soyez. Vous allez... Laissez-moi. Le spectre. Le cauchemar du samedi. Non! Non, ne me touchez pas. Baruch Yorgel, tu vas payer. Qui parle? Qui êtes-vous? Moi! Ce sont mes hallucinations. Allez, maîtrisons un peu. Là, allez. Baruc. Maintenant, tu vas payer, Baruc Yorgel. Tu vas payer pour Pablo Hernandez. Tu vas payer pour Gaston de Maubreuil. Tu vas payer pour tous tes crimes, Baruc. Pour tous tes crimes. Ça recommence. Ce cauchemar ne s'arrêtera donc jamais. Jamais. Ils sont tous là, tous. Non, non. Ma tête. William Goria. Le spectre de William Duncan qui conduit dans la vieille. Cornelius, vite, vite! Baruc est très malade. Vous ne pouvez pas le laisser ainsi, voyons. On pourrait vous accuser de non-assistance à personne en danger. Mais enfin, docteur Cornelius, vous dites que vous allez faire quelque chose, mais quoi? Mais voyons, vous le saurez en écoutant le prochain et dernier épisode du mystérieux docteur Cornelius. Par les masques. C'était le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Le Rouge, 34e et avant-dernier épisode, La résistible ascension de Baruc Yorgel, avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Christine Fabrega, Max Vial et Pierre Van Eck. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charron, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 13 février 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.